Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, l'aventure sonore sur les ondes de CKRL, le 89.1 à Québec, une radio qui aime le son et qu'on retrouve sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver ce soir pour la deuxième de trois émissions sur cette merveilleuse aventure que mène depuis plus d'un siècle la table tournante, le disque vinyle et la création sonore. Je vous propose donc la suite du parcours que j'entamais la semaine dernière, parcours chronologique pour ce qui est de l'histoire de ce mariage du sonore et des platines, mais fortement illustré, vous entendrez, à partir d'œuvres sonores très actuelles. On va, au cours de la prochaine heure, s'attarder à une période charnière, voire cruciale, dans le développement des projets de création sonore associés ou encore assistés du tourne-disque qui ont cours au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour connaître un déploiement vraiment extraordinaire au début des années 70. Mais d'abord, restons dans l'actualité, histoire d'écouter un travail magnifique de l'artiste et platiniste britannique James Kelly. Un projet intitulé « Phonographie » s'est tiré d'une exposition présentée à Abu Dhabi en 2023 et réunissant des disques tournés, découpés, présentés tout ça sous forme d'installations réunissant une abondante documentation d'art sonore, de discos, de dub issus du format vinyle et puis j'en passe. Alors on écoute ça. C'était James Kelly tiré de son projet Phonographie. Maintenant, revenons un peu en arrière. Sur le plan sonore et musical, le début des années 50 est marqué par l'apparition du magnétophone et de la bande magnétique. Une petite révolution qui va porter ombrage au vinyle et à la table tournante pendant un certain temps, mais de manière assez passagère parce que le 45 tours reste tout de même une idée de génie qui va se déployer à grande échelle au cours des années 60 pour engendrer les premières idoles de la culture pop qui seront très vite vues à l'écran. L'artiste québécois Raymond Gervais souligne d'ailleurs dans un de ses projets que le micro-sillon naissant va permettre l'accessibilité à des œuvres avant-gardistes et plus ambitieuses, de plus longue durée, tout simplement. En parallèle, les artistes du pop art et de la mouvance Fluxus vont contribuer à leur manière à inscrire le disque et les platines dans la culture artistique au sens large, culture visuelle, scénique et médiatique. L'idée de réunir l'art et la vie dans la mouvance des mouvements sociaux de libération va donc faire son chemin au début des années 60 pour produire des contenus culturels typiques des années 70, un renouveau que vont incarner le disco et sa contrepartie revendicatrice, sociale, politique et artistique. On parle bien sûr de la naissance et de l'affirmation de la culture hip-hop. Bon, jusqu'à maintenant, on a beaucoup lorgné au cours de la première émission de ce côté-ci des Amériques avec Edison, Berliner, Cage et tous ces émules, mais ça bouge aussi du côté européen après le second conflit mondial. On va inventer la musique concrète, expérimenter les environnements acousmatiques, théoriser une certaine idée de la création sonore en opposition à la musique. La belle époque des Schaffer, Henry, Oram, Stockhausen, Xenakis. Mais avant tout ça, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose qu'on écoute une création de Janek Schaffer. C'est un artiste, musicien, compositeur et artiste de l'avant-garde britannique, connu pour ses installations notamment. On va écouter une création tirée d'une magnifique installation composée de tourne-disques qui s'active au passage du public. L'œuvre est dédiée aux enfants en temps de guerre. Dans la galerie, on retrouve 3 longs jeux pour violoncelle, 3 longs jeux pour piano et 3 autres longs jeux pour violon qui sont joués à 33, 45 ou 78 tours sur 9 tourne-disques rétro. Alors ce soir, on offre ça aux enfants de la guerre Sud-Gaza. On écoute ça. Eh bien, je disais donc qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tous les espoirs sont permis. Bien que novateur, l'Américain John Cage demeure encore très ancré dans la culture musicale. Or, c'est du côté du Français Pierre Schaffer, un ingénieur du son et chercheur curieux, que l'idée d'un art des sons va prendre son envol avec cette belle idée de musique concrète qui réfère, bon, pour aller vite, à tout ce qu'on peut entendre qui ne soit pas musique, ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui art sonore. 1948, la radiophonie est en expansion, et les studios prennent forme et c'est dans ce contexte que Schaffer et ses collègues expérimentent le son via le disque. Ils enregistrent des sons, combinent la sono des platines et font tout ça en l'absence de musique au sens traditionnel du terme. Son coup de maître, sans doute, et puis célèbre aussi, c'est l'invention magistrale de la boucle sonore. À partir du disque, dont le sillon est fermé, l'histoire qu'il raconte et qu'on retrouve sur YouTube pour celles et ceux que ça intéresse. Cela dit, les travaux de Schaffer vont donner de nombreuses œuvres sonores, dont la Symphonie pour un homme seul, co-créée avec Pierre Henry, une œuvre qui prolonge les intuitions de John Cage. Tout l'esprit de cette création repose sur ces commentaires de Schaffer. J'ouvre les guillemets, l'homme seul devait trouver sa symphonie en lui-même et non pas seulement en concevant abstraitement la musique, mais en étant son propre instrument. Un homme seul possède bien plus que les notes musicales, il crie, il siffle, il marche, il frappe du poing, il rit, il gémit. Je referme les guillemets, on écoute un extrait de cette symphonie pour un homme seul. Alors, cette symphonie pour un homme seul a d'abord été composée en 22 mouvements et gravée sur des disques en acétate. Elle fut diffusée à la radio française RTF en 1949, puis créée en concert en 1950. Une version en 12 mouvements a ensuite été réalisée par Pierre Henry, encore là, début des années 50, version qui est jouée de nos jours. On y retrouve essentiellement du piano préparé, assorti de sons tirés des disques joués sur deux gros tourne-disques, assortis de deux gros haut-parleurs et d'une console sur scène. Encore là, un dispositif sans doute annonciateur des orchestres de haut-parleurs et des mises en scène des artistes sonores, joueurs, joueuses de tourne-disques contemporains, encore ceux d'aujourd'hui. Alors voilà, je vous propose qu'on écoute une création de l'artiste sonore taïwanaise Yenting Su, qui crée des ensembles de chansons composées en jouant des disques en verre. On prolonge, je dirais même qu'on transcende d'une certaine façon l'imaginaire de Pierre Schaffer en ce qui concerne le disque et son potentiel. Yenting Su raconte ceci. Lorsqu'un disque de verre à motif est placé sur une platine, il en ressort des textures et des motifs sonores qui ressemblent à des battements, des éclats de bruit, des murmures. La première fois, dit-elle, que j'ai entendu du verre gravé sur une platine, ça m'a semblé le son de l'univers et de la poussière d'étoiles. Je referme les guillemets, on écoute un extrait de cette œuvre de Yenting Su intitulée Unknown, c'est tiré d'un album intitulé Flash. Eh bien, on vient d'entendre une création de la Taïwanaise Yenting Su. Étrangement, le disque et le tourne-disque vont se faire discrets au tournant des années 50, sans doute à l'ombre de la bande magnétique et du magnétophone, portable notamment, invention récente qui s'impose dans l'univers musical et sonore. C'est léger, c'est portable, c'est très flexible. Et pour le montage notamment, c'est comparable au montage de la bande film. À cet égard, l'artiste Hakim El-Dab, c'est un compositeur égypto-américain qui composera les premières œuvres connues de musique sorbante. Cependant, le disque et la table tournante, dans leurs expressions les plus conceptuelles, vont connaître des moments très forts sur le plan artistique, dans le domaine des arts visuels notamment, ce qu'on va voir en seconde demi d'émission. Alors voilà, je vous fais entendre cette fois un travail aux tables tournantes et disques découpés, collés. C'est du duo des Pays-Bas, Vinyl Terreur Horreur, un duo composé des artistes Greta Christensen et Camilla Sorensen, qui explore depuis plusieurs années La platine est le matériau discographique tout autant sur le plan sonore que visuel. Leurs disques cassés et réassemblés suggèrent, dit-on, des boucles et des trames mélangeant des sons trouvés provenant d'un large éventail de genres, des albums de musique classique, du folk et des effets sonores de films vintage notamment. Alors on écoute une création intitulée cette fois « The Sound Around ». Comme le souligne la conservatrice Anne Livette, qui organisa en 1977 une grande exposition intitulée « Records as Artwork », les artistes vont découvrir la double identité du disque. Générateur de sons et objet d'art visuel, le disque et la table tournante vont en effet s'immiscer très fortement dans le domaine des arts visuels et performatifs. C'est une période très faste en matière d'imaginaire et d'iconographie reliée au vinyle. Andy Warhol conçoit la première pochette d'album en 1949. L'artiste visuel Robert Rauschenberg crée une œuvre intitulée « Monk », incluant des fragments de disques vinyles du jazzman Theolonius Monk. Dans une œuvre, on est en 1955, Yves Klein et Charles Vilp conçoivent en 1959 un projet de disque intitulé « Musique du vide », dans lequel on n'entend que le grésillement de l'aiguille dans le sillon, un truc pas banal qui pointe du doigt le hors-champ de toute musique sur vinyle. Et de manière anecdotique, je poursuis ça comme ça, la revue d'avant-garde Aspen est accompagnée d'un disque. Et puis, de nombreux artistes du mouvement contestataire Fluxus vont exploiter le vinyle sans trop d'inhibition, avec cette idée d'unir les arts et la vie. Alan Kreprow enregistre un essai intitulé « How to make a happening ». Joseph Beuys crée une installation tourne-disque dont le bras de lecture est un ossement. Une œuvre intitulée « Silent Gramophone ». Nam June Paik performe sur un dispositif constitué de tables tournantes, un bras de lecture dans la bouche, et auquel s'ajoutent, selon les écoles, des approches conceptuelles, les travaux visuels de Jasper John, Ded Rusha, Joseph Albert, Arthur Kopp, marqué, et j'en passe plusieurs, sur le thème du picture-disque, de la performance et de la poésie combinée au disque. Là-dessus, on écoute un extrait de cet essai d'Alan Kaprow sur « Comment faire un happening » et ce sera suivi d'une pièce du groupe Velvet Underground and Nico, groupe célèbre pour lequel Andy Warhol a conçu, vous le savez bien, la célèbre pochette illustrée d'une banane. Alors, bienvenue dans les années 60, on écoute ça. This is a lecture on how to make a happening. There are 11 rules of the game. 1. Forget all the standard art forms. Don't paint pictures. Don't make poetry. Don't build architecture. Don't arrange dances. Don't write plays. Don't compose music. Don't make movies. And above all, don't think you'll get a happening out of putting all these together. This idea is nothing more than what operas always did, and you see it today in the far-out types of discotheques. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone. On se retrouve ce soir pour le second volet d'une série de 3 émissions ayant pour sujet sonore la table tournante, le disque vinyle et tous leurs dérivés sur le plan de la création sonore et musicale. Il va sans dire. Bon, à regarder ce qui se trame dans le monde des arts au début des années 60, on peut dire que le disque et le tourne-disque sont plutôt bien implantés dans l'univers de la création artistique au sens large. Un mouvement qui connaît sa pareille dans la culture populaire et selon une impulsion qui est formidable. Tous les foyers, ou presque, ont un pick-up. Avec Presley et les Beatles, le 45 tours se retrouve dans les emballages de pain tranché. La musique pop s'emballe pour le développement et l'exploitation de nouvelles machines sonores, les synthés modulaires, le mélotron, la beatbox. Tout ça est très bien documenté. Cela dit, pour rester dans l'univers d'aujourd'hui, que diriez-vous d'entendre le français Thierry Guibert, un artiste-chercheur qui a imaginé et développé une table tournante scanner synthétiseur qui permet de transformer des formes visuelles en formes sonores. Et ça donne ce que je vous propose à l'instant. Alors, cela dit, sur le terrain des arts sonores et de l'expérimentation artistique, le disque et le tourne-disque sont promis à un avenir prodigieux avec l'arrivée du disco, des tirages de disques à grande échelle et aux contreparties de cette mouvance musicale, la contre-culture de masse, les avancées de la démocratie participative et bien évidemment l'arrivée de la culture hip-hop. Bon, je résume parce qu'on pourrait développer plus sérieusement et faire plusieurs émissions là-dessus. Cela dit, pour se mettre dans l'ambiance fluxus, animé d'humour et d'espièglerie, je vous fais entendre un entretien que l'artiste sonore et platiniste Martin Tétrault accorde à l'artiste Falter Branks, on est en 2005, et dans lequel il décrit le travail qu'il affectionne avec les disques vinyles, qu'il découpe et transforme en œuvres visuelles et sonores. Et son propos sera suivi d'un clip sonore de Christian Marclay qui nous exprime aussi toute sa fascination pour le son et les vinyles. Plasticien sonore, tiens, j'avais jamais pensé à celle-là. On fait ça dans le char dans la rue, là. Tu sais, les autos qui ont des radios, là, ou les radios qui ont des autos. Donc, c'est quatre disques différents qui forment un seul disque. Et le fait qu'ils sont coupés comme ça en quatre pointes, et ben ça fait un rythme en 4-4. In the sounds that people don't want. For instance, when we play a record, we don't want to hear the surface noise, the pops and the clicks of the scratches. But those are the sounds that I'm interested in. Those are the sounds that I want to use in my music. I'm interested in the sounds I can get out of this vinyl record, you know, what can I do? These are some of the one-of-a-kind records that I used to make. I can, you know, cut the records and slice them into different pies. Depending on how I cut it, every crack in the record becomes a click that becomes part of the rhythm and is part of the music. I can also play a record off-center, so that will distort the sound. Everything becomes, you know, a possibility. Even acoustically, I can make a sound with the record. All those sounds are acceptable as much as the sound that's recorded in the groove. Eh bien, vous comprenez que cette ébullition artistique des années 60 est à l'image de ce jeune artiste tchèque. Il a pour nom Milan Nizak. C'est un visionnaire associé au mouvement Fluxus qui va créer de la broken music, de la musique brisée, en enregistrant et faisant jouer des disques défectueux, des disques qui l'endommagent en les cassant, en appliquant de la peinture, du ruban adhésif, en les brûlant, en collant des fragments de différents disques ensemble. Tout ça en précurseur, sans doute, des travaux à venir, justement, de Martin Tétrault ici au Québec, de Christian Marclay, de Philippe Jeck. Alors, on écoute un extrait de ce projet visionnaire de Milan Nizak intitulé « Broken Music » qui va se cristalliser sur disque dans le répertoire musical et sonore à la fin des années 70. Ça a été réédité en 2015 sur étiquette Sub Rosa. Alors, on écoute ça, un extrait de ce travail « Broken Music ». C'est avec cette création du Milam Nizak en arrière-plan que l'on se dirige tranquillement vers les années 70, période hautement décisive dans l'impulsion que va prendre la création sonore autour du disque vinyle et des tables tournantes, impulsion grandement attribuable, je le souligne, à l'affirmation de la culture hip-hop et de ce qui en découle sur le plan artistique. Le hip-hop, eh bien, c'est le repoussoir du disco, c'est l'apparition de la breakdance, le surgissement d'artistes ingénieux, Kool Herc, Grand Master Flash et Grand Wizard Theodore. Bon, on en nomme quelques-uns qui vont faire une exploration novatrice du tourne-disque à entraînement direct. Je le souligne, une avancée technique à ne pas négliger, ce qui provoque l'émancipation du disque jockey. Le DJ va devenir ou passer de simple sélectionneur de disques à mixeur, puis de mixeur à artiste. Une révolution, quoi. On va désormais parler de platiniste, en anglais de turntablism, parce que le disque et la table tournante sont désormais des instruments de création musicale, de création sonore et artistique au sens large. Alors voilà, je vous propose qu'on écoute un extrait d'une création typique du Grand Master Flash, de son vrai nom Joseph Sadler, un musicien pionnier du hip-hop, du scratch et du remix. D'une grande inventivité, dit-on, il est réputé pour avoir inventé de nombreuses techniques aux platines. Je vous propose qu'on écoute un titre tiré de l'album Grand Master Flash Wheels of Steel Routine. Ça s'intitule All Vinyl. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Fab Five Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said my. Flash is cool, Francois, c'est pas Flash, ain't no dude. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Thank you. faster. Grandmaster, it cuts faster. Alors, c'est sur ces dérives hip-hop que s'achève l'émission pour ce soir, seconde phase de ce survol de la création sonore inspirée par le disque, le tourne-disque et, bon, ses dérivés. La semaine prochaine, troisième et dernière émission sur les impacts du mouvement Fluxus, de la culture hip-hop et des idées postmodernes qui vont faire de la table tournante et du disque un instrument de création au vaste potentiel. Le DJ se métamorphose en créateur, musicien, artiste sonore. De la platine accessoire, on va passer à la platine instrument de création et d'expression, avec en prime une expansion vitesse grand V des expressions matérielles, conceptuelles, rituelles et métaphoriques inspirées par le disque et le tourne-disque. Les platines et les disques enchantent, symbolisent, mobilisent. La table tournante et ses aiguilles passent du monde profane au monde sacré, un mouvement qui va s'accélérer, on va dire ça comme ça. Alors, on écoute cette fois le grand prêtre du hip-hop, DJ Kool Herc, que j'ai combiné à une création de Gabriel Prokofiev, Concerto for Turntable and Orchestra, un projet inspiré grandement de la culture hip-hop. Le son le plus prolifique du 21e siècle, raconte Prokofiev, fils, et plus particulièrement sur son instrument de prédilection, la platine, qui est joué ici par DJ Yoda. Alors, on écoute ça. Gâteau, y a rien, ça. Bon, avant que l'émission se termine, laissez-moi vous parler de la documentation que j'ai consultée pour la construction de ces émissions. Évidemment, de nombreux articles qu'on retrouve sur la toile, un beau dossier qu'on peut aussi consulter sur la plateforme Bandcamp, et je dirais surtout le recensement des expressions artistiques concernant le disque vinyle qu'on retrouve dans les catalogues de trois expositions majeures, Record as Artwork 1959-1973, c'était lancé en 1973, Broken Music, Artist Record Work, une exposition présentée en 1988. Vous allez trouver d'ailleurs ces documentations sur le site archive.org. Et enfin, le magnifique catalogue de l'exposition de Record, Contemporary Art and Vinyl, un projet lancé en 2010 sous la gouverne du commissaire Trevor Schoonmaker. Alors, des ouvrages vraiment magnifiques. Cela dit, pour clore la soirée, je vous fais entendre des sonorités récentes de l'artiste Shiva Fekariki, une compositrice, artiste et platiniste anglo-iranienne. Ses œuvres explorent des compositions de disques et platines pour des installations orchestrales, solo, chorales, tout ça de type électronique et interdisciplinaire. Alors, on écoute une fort belle pièce intitulée « Star at Dawn ». Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir, phase numéro 2 de ce survol à grands traits de la création sonore menée avec disques et tourne-disques. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Alors pour clore l'émission, on écoute une création de l'Autrichienne Claudia Marzendorfer qui performe magnifiquement ses Frozen Records. C'est des disques en glace, et oui, qui fondent lentement lors de leur utilisation en performance live. Alors, on aura tout entendu concernant les disques. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Depuis les studios de CKRL, dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.